L'introduction, en fait, il y a un mot qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est le décentrement. Alors, le décentrement, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire au début. Donc, on vous a fait une espèce d'explication à la Duke Pop. Celle-ci, vous ne la trouverez pas dans le dictionnaire, je vous le garantis. Alors, j'essaye de relire. Lors d'un débat. Non. La journée s'appuie sur le principe de décentrement. C'est ce que je viens de dire, mais en plus carré. Lors des débats, les propos peuvent évoquer chez chacun, chacune, son expérience personnelle, et on peut être tenté de parler de soi. Mais cela non seulement met en danger celui ou celle qui s'exprime, entre parenthèses, risque de diriger le débat sur la personne elle-même et qu'elle se sente attaquée dans son intimité, mais aussi produit un épuisement de l'auditoire. Pour rester à l'écoute des autres, tout en prenant compte son expérience, on ne raconte. Attends, on ne raconte. J'ai loupé. Ah, encore une règle. Ah oui, donc la règle de la journée est on ne raconte pas sa propre histoire, on la projette de façon généralisée pour apporter des éléments au débat. Alors en fait, aujourd'hui, on ne dira pas je. C'est la unique règle, c'est on ne dit pas je. Et cette règle, va falloir vraiment la respecter. Et ça va être très dur de la respecter. Et alors, pour la respecter, en fait, on s'est dit, là, ces derniers temps, à Nuit Debout, en fait, on avait plein de signes avant et on n'en fait quasiment aucun, sauf le célébrissime tournage demain. Et donc, on a inventé un signe qui, justement, qui dès qu'une personne dira je, en fait, c'est si vous faites le signe, ça, merci, ça va être mieux. Donc, le signe comme ça veut dire, voilà, je parle de moi, il faut pas. Et ça, c'est très, très important. On peut dire j'ai vu deux. Alors on peut dire je, hein, mais j'ai vu deux personnes faire ça, mais ne pas dire j'ai fait ça ou j'ai été victime de ça ou etc. etc. Donc ça c'est vraiment le truc. Alors on a même fait des pancartes, hein, décentrement, vous voyez, on s'amuse beaucoup. Il y en a une autre là-bas en rouge. Veiller les uns sur les autres aussi, très important aujourd'hui. C'est très très important. Voilà. Donc du coup. On a les. Oula, oulala. Pardon. On a listé en fait un certain nombre de points ensemble qu'on souhaite vous proposer. Donc des situations qu'on a. Enfin, non, en fait, des situations vues ou entendues, voilà, de nos expériences diverses et multiples. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est pas un conte, vraiment. Donc du coup, on va avec Boris, Seb et Adèle, on va vous lire un petit peu sur quoi on a travaillé. Vous allez dire un petit peu ce que vous en pensez, si vous voulez rajouter des choses. Voilà, on s'est pour le coup un peu organisé, même si ça fait très désorganisé. Donc je crois que le premier, c'est Seb, en fait, c'est ça. Oui, voilà. Et je voulais juste rajouter sur la règle, du coup, enfin, pour le signe, du coup, n'hésitez pas à le faire, quoi. Enfin, c'est quand vous sentez que la personne parle d'elle, qu'on n'hésitez pas à le faire. Ça serait plus intéressant que ça vienne de nous tous. Du coup, alors, la première idée, donc c'est se sentir indispensable. On peut avoir l'impression que les choses ne seront pas faites ou pas assez bien faites par d'autres, et du coup avoir envie de tout gérer, superviser et de distribuer les actions les moins intéressantes qui ne nécessitent pas sa propre compétence. Et vous me dites si je parle trop vite. On a en effet des compétences que d'autres n'ont pas, mais d'autres ont des compétences que l'on n'a pas. Le plus difficile là-dedans est de s'auto-limiter pour ne pas s'épuiser et de comprendre que ce qui sera fait par d'autres sera différent, mais pas forcément moins bien. Même plus, par la confiance dans le travail de l'autre, il pourra prendre des initiatives et être dans la création. Le travail en groupe est toujours plus intéressant parce qu'en pensant seul, on ne se rend pas compte à ce à quel point on est limité. C'est clair. Donc, proposition pour lutter un peu contre ça. Limiter ce que l'on propose à ce que l'on peut et veut faire. Faire confiance aux autres et leur laisser l'initiative sans superviser, même si c'est nous qui avons lancé l'idée. Une fois qu'une idée est lancée, elle ne nous appartient déjà plus. Former les personnes sur les points pour lesquels on a acquis des compétences. Voilà, c'est clair. Je passe la parole à Boris pour l'autre point. Donc la deuxième idée, c'est la reconnaissance. Donc ça fait, dans notre société encore patriarcale, on fonctionne sur un principe de reconnaissance qui est plus plus destructeur que constructeur. Soit comme esclave, on attend la reconnaissance du maître, soit on on attend la reconnaissance des esclaves. Pour attends. Donc pour faire ensemble, il serait préférable de remettre cela en question, en proposition. On est seul juge de notre travail. Si on s'engage dans quelque chose, on n'a pas à attendre des autres une reconnaissance. On apprend à ressentir en soi le plaisir du travail bien fait, ce qui comprend aussi l'autocritique. Passer un principe de respect de l'autre et de son travail plutôt qu'une reconnaissance, ce qui comprend aussi la critique constructive et bienveillante. Donc, après la reconnaissance, l'agressivité. Aïe. Lorsque l'on est attaqué par quelqu'un, considérez que c'est d'abord elle-même que la personne attaque et non soi. Cherchez à résoudre le conflit à partir de là. De même, si l'on est agressif envers quelqu'un, c'est d'abord soi-même que l'on attaque. Se respecter pour respecter l'autre. Désengagement. Attaque de fourchette. Le manque de temps, pour plusieurs, limite leur engagement dans le groupe et peut produire un sentiment d'exclusion. Une bonne répartition des tâches permet que chacun, chacune, trouve une place à la hauteur de ses disponibilités et de ses souhaits, à condition que ceux et celles qui ont moins de temps ne se retrouvent pas à faire des tâches du placard à balai. Donc la franchise. Avant d'arriver au point de non-retour, où l'on s'énerve contre l'autre en accumulant des reproches, prendre le temps, chaque fois que nécessaire, de lui dire avec franchise ce qui nous a blessé, gêné dans ses propos ou actes. Cela suppose d'être prêt aussi à accepter la critique de l'autre et se remettre en cause, à ce qu'il réponde aussi franchement par rapport à nos propos et actes. La faute est toujours partagée, nécessité d'y reconnaître sa part pour les deux parties. Alors l'autre point, c'est la bienveillance. Donc, dans un groupe, l'action ou les propos de l'un des membres peut être choquant, gênant pour d'autres membres du groupe. On va laisser passer les voitures et puis après on va reprendre. On va attendre qu'il se barre un peu. Bon, je crois que c'est bon. Vous m'entendez de nouveau ? Ouais. Donc moi, c'est la bienveillance. Donc je répète, dans un groupe, l'action, les propos de l'un des membres peut être choquant ou gênant pour d'autres membres du groupe. Grande tentation de le moquer ou le critiquer une fois qu'il n'est plus présent. Et par une interprétation excessive en son absence. De favoriser ainsi la compréhension et l'exclusion. La bienveillance dans un groupe demande un respect de chacun de ses membres et par là un débat avec l'intéressé quand ses propos actes posent problème. Et pour la bienveillance, c'est pas simple de lire quelque chose qu'on n'a pas écrit dans un micro devant tout le monde et qu'on n'a pas répété 10 heures devant sa glace depuis une semaine. Voilà. Le recours à des arguments d'autorité, un tel l'a dit, donc c'est vrai. Notamment avec les citations d'auteurs connus ou de figures d'autorité qui peuvent écraser ce que l'autre exprime comme un sentiment, une impression, une réflexion naissante. Une phrase venant d'un autre n'a de sens que si elle fait écho en nous, plutôt que de la ressortir telle qu'elle, exprimée de quelle façon elle a pu pour nous apporter des réponses. qu'elle a pu, virgule, pour nous, virgule, pardon, apporter des réponses. Eh, vous êtes dur hein, avec les virgules. Ah, zut. Ah, ouais, mais je suis pas un orateur professionnel. Ah non, faut pas dire jeu aujourd'hui, merde. Bien joué, bravo. La peur. Avoir peur de prendre la parole en public, car vous trouvez que les autres parlent mieux que vous, et que vous avez un manque de confiance en vous. Les gens habitués à prendre la parole ne doivent pas oublier qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'une AG n'est pas une tribune, et qu'il faut faire de la place à tout le monde. Bienveillance, même si les prises de parole sont parfois bancales. Avoir peur de prendre la parole en public, parce que les autres crient beaucoup plus fort que vous, et que vous avez un complexe d'infériorité. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a forcément raison. Avoir peur de s'engager dans une tâche parce qu'on pense ne pas en être capable. Bien savoir ce que je peux faire et ce que j'aimerais faire, garder la notion de plaisir dans ce que l'on fait. Bien communiquer, ne pas hésiter à proposer, personne n'a la science infuse. Alors, une très courte, mais j'aime bien. Le changement de soi modifie le rapport aux autres et transforme en écho la société. En retour, la société transforme le rapport aux autres et modèle le soi. Et modèle le soi. Vous avez compris? Il y en a un qui a fait un signe de rame là-bas. On va répéter doucement. Le changement de soi modifie le rapport aux autres et transforme en écho la société. En retour, la société transforme le rapport aux autres. Donc en retour, voilà. Et modèle de soi. Donc, en fait, c'est juste que c'est. Ça veut dire que quand on se change, ça peut changer la société. En fait, le fait de se changer soi-même, ça peut avoir un impact sur la société. Et en retour, du coup, inversement, cet impact sur la société, il peut avoir un impact sur nous. Et du coup, nous faire aussi changer nous-mêmes. Voilà, c'est plus clair comme ça. La réciprocité, merci. Alors, moi. Alors, maintenant, moi, c'est le positionnement. Alors, on peut se retrouver à parfois défendre uniquement notre position par rapport au sujet en question, en s'empêchant éventuellement d'avoir une réflexion objective sur les arguments de l'autre et préférant par exemple trouver dans notre position ce qui pourra au mieux uniquement contrer son argument. Jusqu'où cela peut freiner l'aspect constructif d'un débat, comment ? Il reste 4 points, ne s'inquiétez pas. 3, pardon. Alors, donc... non, je ne sais... Non. On ne sait pas compter. Alors, préjugés. Tiens, ça tombe bien. Selon la personne qui a la parole, nous pouvons avoir tendance à modifier notre écoute, voire ne pas écouter du tout, en particulier quand il s'agit de quelqu'un que l'on n'apprécie pas. Ou de qui on se fait une idée plutôt négative et fixe. On peut parfois observer le même effet quand il y a une différence de classe sociale ou de culture, par exemple. L'expérience personnelle toute puissante. On peut parfois entendre ou tenir un discours du type « Moi, dans ma vie, j'ai vu » ou « Moi, j'ai fait » ou « Je peux te dire que » etc. qui en soi peut être instructif, voire constructif, mais il peut également servir à discréditer un argument théorique. Il essaye en plus de s'introduire en tant que « Je suis la meilleure preuve ». Il sert souvent à justifier des discours racistes. Il faut admettre qu'il peut également vraiment servir au contraire des discours très positifs. Doit-on essayer de considérer l'expérience de l'autre aussi toute puissante que la sienne, ou au contraire, accorder autant d'importance à son expérience qu'à celle de l'autre, sans donner à aucune le statut de preuve ultime ? Alors la dernière, c'est la gentillesse. toujours les mêmes personnes qui se proposent pour aider et qui ne savent pas dire non, au détriment de leur forme physique et ou mentale. Et à l'autre extrême, des personnes qui peuvent refuser de l'aide de crainte de se sentir redevable. Dans les deux cas, risque d'épuisement et difficulté à considérer le travail de l'autre à sa juste valeur. Donc voilà, on vous a lu ce qu'on a écrit à plusieurs. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est à la fois de rebondir sur ce qu'on a écrit et aussi que vous proposiez, vous, des situations avec des solutions, un petit peu sur le même modèle que ce qu'on vous a proposé ici. Donc le débat est ouvert, n'hésitez pas à lever la main. N'ayez pas peur, hein, on a tous réussi à écrire des trucs, donc tout le monde est capable de le faire. Donc, bon, c'est plus facile parce que nous, on les a écrits. Donc n'hésitez pas. On prend les tours de parole. Non, moi, je voudrais rebondir sur deux choses qui ont été dites. Donc, la première, le jeu et le nous, ou le jeu et le on, quoi. Oui et non, hein. Oui, parce que c'est vrai que souvent les gens, ils prennent la parole, ils parlent de leurs petits problèmes personnels. Et d'ailleurs, c'était une grosse critique hein, de la démocratie et du peuple. On dit ouais, le peuple, il s'intéresse qu'à ses petits problèmes personnels, il est pas capable de les universaliser, de généraliser, de penser pour le groupe, etc., pour la communauté, pour la collectivité. Et c'est vrai que c'est un gros problème justement le jeu. Parler de ses problèmes personnels, les problèmes personnels ne sont pas des exemples. Après, arriver à les universaliser, c'est pas facile, etc., etc. Donc, je suis d'accord sur cette critique du jeu. Mais d'un autre côté, des fois, il y a des gens qui prennent la parole et qui disent je, qui disent on, ou qui disent nous. Et en fait, c'est pas. Par exemple, nuit debout, à nuit debout, on dit. Ou, alors qu'en fait, c'est pas à nuit debout qu'on dit, c'est eux qui disent. Et ce qui serait bien, par contre, dans ces cas-là, c'est qu'ils disent je, pour vraiment dire que c'est eux qui pensent ça, que c'est pas à nuit debout. Et c'est une façon aussi anonyme de rendre anonyme une pensée ou de généraliser une pensée alors qu'elle leur est propre à eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais ouais, on devrait des fois dire je et pas nous ou on. Voilà. Comme ça, on assume les propos et voilà, on est plus honnête avec ce qu'on dit, quoi. Voilà. Donc, c'était le rapport entre les deux, le jeu et le nous. Ensuite, je voudrais rebondir aussi sur les arguments d'autorité. C'est pareil, je suis pas tout à fait d'accord, quoi. Les arguments d'autorité, ce qu'il faut savoir, c'est que, eh ben, il y a des gens qui ont pensé avant nous, quoi, et que penser, c'est pas facile, quoi. Qu'on n'apprend pas à penser comme ça, que le langage même qu'on utilise, ben, c'est pas nous qu'on l'a inventé, quoi. Que les idées qu'on a, on croit que c'est nous qu'on les invente, bah non, elles nous viennent d'autres, bien souvent, quoi. Mais des fois, on s'en rappelle plus, c'est tout, quoi. Et qu'en fait, bah voilà, quand on essaye réellement à penser ou à faire des choses, à argumenter, bah on s'aperçoit qu'il y a, si on cherche un peu, et si même si par exemple on veut gagner du temps, et bah c'est pas mal d'aller lire des gens qui ont pensé avant nous sur des sujets, et on s'aperçoit qu'en fait, que nous, ce qu'on raconte, bah c'est quand même pas grand chose, qu'il y a des gens qui ont développé ce que nous on raconte beaucoup plus, et on va avancer. Et justement, l'argument d'autorité, il est là, et pour cela, il est très intéressant, quoi. Parce que quand on cite quelqu'un, et cette personne, elle a une pensée, ça peut évoquer chez d'autres cette pensée, etc. Après, ça dépend si les gens connaissent la personne qu'on cite, évidemment, il y a tout ça. Mais bon, des fois, les formules de la personne, elles sont quand même assez intéressantes. Et bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, que penser, c'est pas si simple que ça, et qu'il y a d'autres gens qui ont pensé un peu. Donc, des fois, c'est pas mal de rester humble et d'utiliser des arguments d'autorité. Voilà, c'était juste pour aller à l'encontre des arguments d'autorité. Oui, juste par rapport à la règle de décentrement, c'est pas dire on à la place de je. Hein. C'était très spécifique à ne pas parler de soi, pas dans le sens. On peut dire je pense que, bien sûr, mais si jamais il y a une situation qu'on veut relater, on dit j'ai vu deux personnes, et ces deux personnes, il s'est passé ça, elle a répondu ça, et l'autre a répondu ça. Pour pas dire, moi j'ai répondu ça, et il m'a fait ça. En fait, on projette la situation. C'était juste ce point-là. Oui, il y avait Didier, et il y avait les trois, ok. Non, c'est juste pour dire qu'en fait, il y a un sophisme qui est classique, mais que tout le monde fait, et des fois qui sont faits volontairement par les politiques, c'est d'utiliser un exemple pour en faire la règle, alors que l'exemple ne fait jamais la règle. Voilà, c'est tout, c'est pour ça que je disais ça. Merci. Moi, quand j'ai vu le mot décentrement, ça m'a fait penser à un truc que j'ai étudié dans le temps, c'est la quadrature du cercle. Enfin, j'ai essayé de comprendre ça, mais comme maintenant, vous avez aussi parlé d'âgés, alors comme je suis parmi les plus âgés, c'était vraiment. Enfin, je crois ne pas être le seul à penser que c'était pas clair votre truc. Et que. Il faudrait. Je pense. Sur la place. Ce serait bien d'utiliser un langage plus simple. Voilà. Il y a eu plein d'oppositions radicales. Moi, au contraire, je souhaitais vous remercier pour ce travail, cet énorme travail que vous avez fait. C'est un véritable enrichissement. On y apprend plein de choses, en fait. On se rend compte qu'on a un gros travail à faire. Pour vivre ensemble. Et je souhaitais ajouter quelque chose dont vous n'avez pas parlé et qui pourtant est très présent en ce moment et à Nuit Debout et dans la société en général, c'est le coup de force, la menace. La menace sans cesse, entretenir la peur, ça c'est très présent. Pour différentes raisons, pour obtenir ce qu'on veut, pour assurer sa position, pour faire autorité, ça je pense que c'est un point essentiel à aborder, les menaces, la peur, après l'absence de liberté quoi, après il n'y a plus de dialogue quand on est face à quelqu'un qui nous fait peur, qui nous menace, qui est sans cesse dans le coup de force, c'est quelque chose de très marquant qui peut vraiment rompre le dialogue, selon moi. Pour aller dans le sens des Duke Pop, en fait, trouver des techniques. Tu parles du décentrement, c'est assez intéressant. En fait. Il y a des techniques de la communication qui justement analysent les conflits. Pourquoi des gens qui se parlent ne s'entendent pas, d'accord ? Donc je vous invite à lire. Bon, il y a je sais pas si vous connaissez la PNL, c'est assez intéressant. C'est un mélange de psychologues et d'informaticiens qui ont inventé une analyse en fait des problèmes de communication dans les années 70 qui sont utilisés après pour le développement personnel, etc. et qui décodent les incompréhensions qu'il y a entre les gens. On se parle mais on se comprend pas. Et après, quand on se comprend pas ou on s'écoute pas, et après on s'engueule alors qu'on pourrait être dans la même famille. En fait, c'est souvent dans les familles qu'on a ça, ou les gens, ou dans les entreprises. Et nous on est une famille ici, on est un village et on est une famille, on s'engueule. Et donc, on essaie de trouver ça. Donc, moi, j'aurais pas forcément le temps de rentrer trop dans le détail, mais je vous invite à regarder ça. Il y a une notion qui est assez intéressante dans la PNL, c'est que ce qu'on dit, c'est pas forcément d'abord ce qu'on dit, c'est déjà un filtre par rapport à ce qu'on pense. Alors, on pense à un truc, et puis on va le dire d'une certaine façon. L'autre en face, il va recevoir la façon dont on l'a dit, qui n'est pas la même que celle qu'on avait dans la tête. Il va le recevoir et après il va le transformer en quelque chose qu'il va penser. Et tout ce truc fait qu'on est d'accord. Par exemple, moi je vais être d'accord avec Khaled sur le fond, je sais qu'on est d'accord, mais on va peut-être s'engueuler sur un truc, tu vois, sur les mouvements citoyens. Donc c'est assez compliqué, ça se fait pas en 5 minutes. Mais déjà prendre conscience que quand on dit un truc, c'est pas forcément ce qu'on pense et l'autre il va le prendre dans un sens et que ça va pas aller dans son sens, je pense que c'est déjà un premier point. Donc déjà avoir cette conscience de pouvoir éventuellement faire des effets, ce qu'on appelle des feedbacks, des retours. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit ? Tu vois, je t'ai dit ça, non, mais Je reviens, j'ai dit ça, j'ai pas dit ce que t'as dit là, j'ai dit autre chose, je suis pas contre toi, je dis juste que la démocratie, il faudrait qu'elle soit comme ça. Donc en fait, on dit pareil. Donc il faut pas hésiter à faire des retours, je te dis un truc, etc. Voilà. Il y a aussi un autre point bon, qui est, sur lequel il n'y a pas trop de problèmes à Nuit Debout. Moi, je pense que Nuit Debout, c'est un gros problème justement de compréhension et de dialogue. On dit pareil, mais on se comprend pas. Voilà. Après, il y a d'autres techniques sur... ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle, où on va se positionner en tant qu'adulte, enfant ou parent. On n'a pas trop ce problème ici, mais il ne faut pas que quand on se parle, bah, parce que c'est Adèle et Duc Pop, bah, on va se considérer, elle a un peu d'autorité, donc on va se mettre en dessous ou on va se mettre au-dessus, mais je pense qu'on n'a pas trop... voilà. Et donc il faut faire preuve de l'éthique de compréhension, c'est ce qu'on appelle, c'est Edgar Morin qui dit ça, pour avancer, pour faire des groupes sociaux, pour créer du lien, il faut avoir une éthique de compréhension de l'autre, donc de l'écoute. Et il y a un truc qui est très positif à Nuit Debout, je ne sais pas si vous en rendez compte, c'est les prises de parole, et le fait de laisser parler quelqu'un pendant une minute sans lui couper la parole, c'est énorme. Et je pense que tout ce qui a été fait depuis 6 mois sur la place, etc., ça a quand même permis à des gens de s'exprimer, à des paroles de se faire. Après, c'est vrai quand on est un peu en face à face, parfois ça... Et je ne parle pas des réseaux sociaux. Alors Telegram, j'en parle même pas. C'est une catastrophe parce qu'il n'y a pas de filtre. On dit un truc, on voit un mot. Le mec, il a dit oui, mais t'es con, t'aurais dû dire ça. Alors ça, c'est parti. Je suis con, mais qu'est-ce que tu dis ? Et alors là, le débat est mort. Il n'y a rien de positif pour moi sur Telegram, quoi. Ça commence à revenir parce qu'il y a un peu de modération. Il y a une étiquette qui, je pense que tout le monde a compris qu'il fallait pas trop s'invectiver personnellement. Ça, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Mais il n'y a pas grand-chose de positif sur Telegram. Quoi, voilà. Donc moi, c'était un peu ça, c'était l'écoute de l'autre, quoi. Surtout de s'écouter. Et je pense un truc, c'est est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ? Déjà, si on fait ça, je pense qu'on éviterait énormément de problèmes. Voilà. Oui, et juste, on a oublié de dire ce qui fait partie du décentrement, on ne cite pas des noms. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pour faire suite à une opposition radicale que j'ai posée tout à l'heure, moi, les objectifs qui ont été posés pour la journée thématique ont été très clairs dans les buts et les aspirations. Ce qui peut paraître flou, c'est comment on va y arriver. Et mon intervention était plutôt pour dire que aussi un phénomène qui a été remarqué sur la place, c'est que certaines personnes ont tendance à s'exprimer longuement quand ils ont quelque chose à dire. Dans l'intérêt des débats, dans l'intérêt de la rapidité, de la fluidité des échanges, il serait pas mal qu'on arrive à faire preuve d'une certaine concision. C'est-à-dire prendre le temps de formaliser sa pensée pour que s'exprimer de manière la plus rapide, la plus succincte possible, afin que plus de personnes puissent intervenir derrière, rebondir, s'opposer ou développer d'autres arguments. Juste pour les gens qui viennent d'arriver, n'hésitez pas, c'est ouvert à tout le monde. Donc si vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé de prendre la parole, ne partez pas quand je dis ça. Hein. Mais si vous souhaitez participer, vous pouvez le faire. Voilà, il n'y a aucune obligation, bien entendu. Tu avais un... Non, c'est... ce que je voulais dire, c'est quand tu parlais d'y arriver, c'est-à-dire arriver à se comprendre, arriver à être constructif, à mon avis, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, à partir du moment où on veut arriver à quelque chose, on est foutu. Parce que ça suppose une. Ce que moi j'appelle une idolâtrie du langage. C'est-à-dire, on croit que quand on a parlé, on a dit quelque chose, et pas forcément. Et souvent, en faisant quelque chose ensemble, on se comprend beaucoup mieux et on apprend beaucoup de choses les uns des autres qu'en parlant. J'ai pas de tour de parole, donc n'hésitez pas. Mais les membres du POP peuvent aussi prendre la parole pour rajouter des choses. Vas-y. Alors, en fait... sur Nuit Debout, j'ai beaucoup remarqué en fait, c'est qu'on pensait que ça serait facile. Or, le militantisme ou l'engagement ou le fait de commencer à penser, c'est super dur. Donc, l'acceptation de la difficulté, c'est aussi une chose qui est importante pour faire avancer le débat. Accepter la difficulté de ne pas être la star, de ne pas être le centre des débats, accepter que sa propre expérience personnelle soit peanuts, en fait, l'humilité des personnes, accepter aussi que en face de nous on ait des personnes qui ont des sensibilités très exacerbées, et que un mot comme disait Antoine, sans feedback, ça peut être destructeur. Donc voilà, c'est l'acceptation de toutes les difficultés, que ça soit de penser, les difficultés aussi de penser la sensibilité de l'autre. Voilà, toutes ces difficultés, c'est pas simple, mais réapprendre à penser, c'est vraiment salvateur. Je voulais parler aussi du décentrement et du fait que, comme j'essaye de traduire ça pour rigoler pour moi en exercice à faire, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser surtout au fait que dans le décentrement, on a forcément un peu un problème de déséquilibre. Et on se sent légèrement déséquilibré, quoi. On perd son... Il faut prendre le risque de prendre son centre, de perdre un peu son centre de gravité, quoi. Il y a peut-être un sentiment de vertige, quoi. Un peu, quoi, voilà. Qui fait que les gens s'accrochent à leur position, quoi. Aussi, c'est ça qui est. Sylvain et Calais. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Jeff. Parce que c'est un peu le truc à la phrase à la noix, là, je pense donc je suis. Mais il y a des gens qui s'accrochent en fait à une idée, à quelque chose pour c'est un peu leur but, quoi. Même s'ils n'ont pas vraiment réfléchi à cette idée. Et on peut le voir quand on a des gens, quand on leur demande mais pourquoi tu votes pour tel parti, et qu'ils disent parce que j'ai essayé tout le reste et c'est ce truc là. C'est une idée qui est complètement à la con, mais ils vont pas en profondeur en fait. Et c'est un peu. Certains en fait s'accrochent à des choses parce qu'ils l'ont entendu à la télé ou parce que ça a été mis dans un journal, etc. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait il faut fouiller derrière, et quand on fouille derrière et qu'on des fois qu'on réfléchit, on s'aperçoit que finalement non. En fait, au début, je voulais faire ça, mais en fait, derrière, je m'aperçois que ça me correspond pas du tout. Et cette espèce de curiosité, etc., malheureusement, je pense qu'on l'a un peu perdu. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire. Et j'avais un autre point aussi, et on peut aussi le constater sur plusieurs exemples récemment dans l'actualité, c'est-à-dire que vous avez un groupe de personnes, une association, peu importe, qui au départ a des principes, des bonnes idées, qui on se dit ouais c'est bien machin, et puis le jour où ils ont un espèce de, ils sont élus, ou ils ont un espèce de pouvoir ou une espèce de résonance, ils ont un écho dans l'actualité, ils sont un petit peu la tête, entre guillemets, la tête de gondole, en prenant un terme très commercial, mais du moment, et tout d'un coup ils sont portés, donc du coup il y a cette espèce de grisement qui se fait, où on peut se dire on est en haut de l'affiche, on est bien, on est les meilleurs, machin, etc., etc. Et puis petit à petit on perd le fil, on perd nos valeurs, on perd un petit peu, ça se déchire. Et par exemple on le voit un peu avec ce qui s'est passé en Grèce, c'est un petit peu vraiment c'est très caricatural, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Syriza. Et c'est vrai que c'est aussi un effet qu'on peut constater, cette espèce de truc. Et puis après, dès qu'on s'approche un peu du pouvoir, ça part un peu dans tous les sens et on oublie vraiment le fondement et pourquoi on était là. Et finalement, on se prend la tête pour des choses qui sont complètement futiles et on oublie vraiment la base de pourquoi on est là. Donc moi c'est juste, je reviens, je voulais revenir sur ce que disait Didier, c'est dommage, il est parti. À un moment il a dit, ouais, ne pas utiliser de mots compliqués, je suis pas d'accord avec lui moi. Moi je pense qu'on peut utiliser des mots compliqués, on peut utiliser n'importe quel langage. Le problème, C'est comme à l'école en fait. Moi je me souviens quand j'étais à l'école, il y a des gens, ils utilisaient le prof ou il va utiliser un mot compliqué. Ben moi je vais lui dire, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Le problème c'est qu'il y a des gens, ils ont peur d'être ridicules en demandant ce que ça veut dire. Et ben voilà, ben, si t'as peur d'être ridicule, et ben tu resteras toute ta vie ignorant. T'es pas ridicule quand tu demandes un mot ce que ça veut dire. Ça a rien de ridicule. On peut pas tout connaître. Voilà. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Dès qu'il y a quelque chose que je comprends pas, quelqu'un utilise un terme que je comprends pas, ou il dit une phrase qui est compliquée pour moi, ben je lui demande qu'il la développe. Et là, j'en viens au décentrement, justement, sans passer par la PNL ou l'analyse transactionnelle, etc. C'est tout simple, en fait. Le décentrement, c'est de parler des... Quand quelqu'un parle, eh ben on s'attaque à ses arguments, on s'attaque pas à la personne. C'est ce qu'on appelle l'attaque ad hominem. On fait pas d'attaque ad hominem. C'est pour ça déjà quand on est dans une AG, on dit pas de discussion bilatérale. Pourquoi? Parce que la discussion bilatérale, bah, c'est souvent ça. On en arrive à des discussions ad hominem et on oublie qu'on oublie les autres, quoi. En fait, quand on est dans une AG, on parle à tout le monde. Et donc voilà. En fait, l'idée c'est ça. C'est quand quelqu'un parle, on lui demande d'éclaircir ses arguments. C'est ce que d'autres ont dit tout à l'heure. Mais c'est ça. Quand quelqu'un dit quelque chose. C'est pas on va attaquer une personne, on va écouter son argumentation, on va lui demander, voilà, je comprends pas, ou je suis pas d'accord avec toi. Et quand on n'est pas d'accord avec lui, on va lui opposer une argumentation opposée. Mais c'est pas la personne, c'est ce qu'il raconte, c'est les arguments, c'est ça qu'il faut voir, c'est ça le décentrement. Et c'est là où on avance, et c'est là où on n'est pas dans des rapports d'ego à ego, ou de conflit, ou d'agressivité, ou je ne sais quoi, comme disait Antoine tout à l'heure. On va se disputer, non, on se dispute, il a pas dit se disputer, justement, il dit on va être en conflit, ou ça va être agressif, je ne sais quoi. Non, c'est pas ça, ou c'est toi qui as dit ça, ouais, enfin, je sais pas. Ah, on dit pas de nom, pardon, excusez-moi. Enfin bon, bref, voilà, ok, si vous voulez, ouais. Mais bon, ouais, en plus, c'est très bien de pas dire de nom, parce que justement, voilà, on est dans la pure argumentation. C'est le décentrement. Donc, c'est pour dire, voilà, ce qu'il faut, c'est s'occuper que des arguments de la personne. On s'en prend à ses arguments et on argumente. Voilà, on pas d'attaque ad hominem, voilà, comme on dit, pas d'attaque personnelle. Voilà, une personne, elle a des arguments. C'est ça la bonne discussion, en fait. C'est là où on avance, c'est là où on évolue. C'est quand la personne, si on comprend pas, on lui demande de développer. Si on n'est pas d'accord, on lui oppose des arguments opposés. Voilà, c'est ça. Et l'agressivité et tout ça, ça elle va partir d'elle-même, puisqu'on est que dans la pure argumentation. Enfin bon, c'est pas toujours facile, hein, évidemment. Hein. On peut pas s'oublier non plus, hein, comme disait l'autre, quand on parle toujours que de soi-même. Bon, évidemment aussi, on existe, hein, c'est un corps, un sujet, un individu qui porte aussi des paroles. Mais bon, voilà, l'idée elle est là. L'idée c'est de s'en prendre qu'aux arguments de la personne. Voilà, c'est ça. C'est un débat argumentatif, en fait. Voilà. Alors moi je voulais parler aussi un peu comme a parlé tout à l'heure là. C'était sur aussi quand tu disais le mouvement il faut le construire, c'est compliqué. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que je pense que chacun on doit accepter que le tout, la globalité du mouvement, c'est pas forcément son expression personnelle. C'est assez compliqué. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une espèce de vision politique, ce qui est louable. Mais ça peut créer des problèmes ou d'avoir une certaine vision de la globalité du mouvement. Et Nuit Debout, ça devrait faire ça. Nuit Debout, ça devrait faire ça. Je pense qu'il faut que chacun s'implique dans ce qu'il a envie de faire, soit dans une commission, soit dans une action, soit d'aller mettre des tracts, ou faire des choses concrètes et accepter que la globalité du mouvement, bah, c'est pas forcément sa vision propre. Et ça, c'est un vrai truc d'éducation personnelle qu'on doit tous faire. Pour se dire voilà bah tu fais ça, moi je ferai peut-être pas ça mais je le fais différemment, mais je respecte ce que tu fais et moi je le fais différemment. Et ça je pense que c'est vachement important, bah, pour éviter bah que après on dise bah non t'aurais pas dû faire ci, il faut pas aller là, il faut pas faire ça, et ça c'est un énorme truc qu'on doit faire tous ensemble pour qu'on reste un groupe en fait, hein. Bon, alors moi j'essaie de synthétiser l'impression que j'ai, non, que nous avons, excusez-moi, que nous avons pour comprendre, parce que certainement j'ai une idée, alors nous avons eu une idée, que les œufs sont importants. Quand on marche sur les œufs, il faut y aller doucement. Et comme je disais à Didier, mon cher ami, j'ai renoncé à marcher. Ah, pardon, excusez-moi. Mais c'était très important ce que nous disons. Oh, très important. Parce que nous sommes les victimes des médias. Nous sommes les victimes de ceux qui vont à la chasse de l'erreur. Les mauvais, parce que l'erreur est terrible, très bon et très mauvais. Ah, il a dit ça. Hop, les procès. Hop, mise sous enquête. En permanence. On est terrorisé. Quelqu'un a parlé de la paix tout à l'heure. Mais parlons de, tranquillement entre nous. C'est tellement simple. Qu'est-ce que c'est? C'est super, hyper sophisme. Moi, je m'attends que nous sommes parmi des gens de bonne volonté, des gens qui s'entendent, des gens qui parlent tranquillement. Voilà, c'est tout. Merci. Du coup, j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Oui, dans la difficulté de se faire comprendre, il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a comprendre ce que l'autre dit. Mais avant ça, il y a la personne qui s'exprime. En général, elle comprend ce qu'elle essaye de dire. Et il y a peut-être un travail à faire donc à chaque preneur de parole dans le sens de je comprends ce que je dis, je veux le faire comprendre à l'autre, comment le faire comprendre à l'autre. Donc c'est une interrogation sur soi-même avant d'avoir à communiquer à l'autre. Enfin, je suis pas très clair en fait. Mais on s'éclaircit tous les uns les autres. Juste je redis pour les personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous exprimer, hein, c'est bien entendu ouvert à tous et à toutes. On est sur une journée thématique à Debout Éducation Populaire qui est apprendre à se connaître et à faire ensemble. Et donc on a posé, vous nous voyez faire des signes un peu bizarres peut-être depuis tout à l'heure, on a posé le principe de décentrement dans la journée qui signifie que personne ne parle de soi et personne ne cite d'autres individus, comme ça a été défini encore mieux que par ce qu'on avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire que, et comme le disait aussi Ulysse, c'est absolument le procédé comme ça a été dit tout à l'heure, c'est aussi un procédé médiatique qui est de renvoyer les... Cette personne a dit ça, et donc du coup on réfléchit jamais sur ce qu'elle a dit, mais plutôt sur la personne qui l'a dit. Donc le tour de parole, je ne sais plus où j'en étais. Juste pour info, au début on avait l'intention de couper le micro à chaque fois, mais du coup on le fait pas, pour l'instant en tout cas. Oh ouais, alors ça peut être un peu agaçant sur la longue. Voilà. Ah sinon ça va peut-être faire effectivement réfléchir. Alors je vais essayer de faire l'exercice là, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a dit... Ça marche pas. Non. On peut prendre une situation et où effectivement une personne qui arrive dans un débat en fait ne comprend pas les termes qui sont tout simplement les termes qui sont dits. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile. Parce que du coup, en fonction de la personne, si elle est plus à l'aise ou moins à l'aise à l'oral ou avec la langue française, on va dire ça comme ça, c'est pas évident. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir exclues aussi de certains débats parce qu'elles ne comprennent pas les mots qui sont dits ou les expressions ou les idées. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que quand un peu comme vous avez un groupe de personnes qui sont à différents entre guillemets niveaux. Et c'est toujours un peu casse-gueule parce que pour ceux qui ont le niveau un peu plus haut, ils s'embêtent un peu. Ceux qui ont un niveau plus bas, ils sont complètement exclus et du coup ils participent plus du tout. Et il faut trouver en permanence cette espèce d'équilibre pour qu'en fait que tout le monde puisse avancer dans le même sens. Et ça c'est pas évident à faire. Et je pense que c'est une prise de conscience effectivement collective. Éducation populaire, c'est plutôt pas mal, c'est qu'on est tous au même niveau. Et là, il y a plus de personnalité, il y a plus d'expérience, etc. Et donc, on essaye de le faire. Hein, en tout cas, on s'efforce à le faire. Et voilà. Et c'est aussi une autocritique. Je crois que ça a été dit dans un des trucs. Il faut forcément toujours accepter l'autocritique, parce que on n'est pas des. Même nous, à Éduc Pop, et surtout pas à Éduc Pop, on n'est pas des. Voilà, des messies, comme je dis. Juste, il reste à peu près 10 minutes pour cette première partie. Donc avant qu'on vous annonce la couleur de la suite, on prend les derniers tours de parole. Donc il y avait... Ouais. En fait, moi, c'était surtout pour... On voulait surtout pour rappeler un peu ce qui a été rajouté en fait à tous les points qu'on avait dit. Donc il y a eu donc l'idée d'accepter que sa vision personnelle n'est pas forcément celle du groupe. On a parlé des menaces, d'entretien, de la peur pour appuyer une autorité. Alors ça a été dit plusieurs fois et dans deux sens différents. C'est s'assurer de la compréhension par l'autre de nos paroles. Et ce qu'a dit quelqu'un d'autre, donc c'est d'attaquer les arguments de la personne et de demander d'éclaircir. Donc je trouve que ça va dans les deux sens. D'être concis aussi, de prendre le temps de formaliser sa pensée pour l'exprimer clairement. Et donc c'est court, en tout cas pour qu'un maximum de gens puissent s'exprimer. Et l'humilité, prendre en compte la sensibilité de l'autre. Voilà, je voulais juste faire ça. Et en fait, oui, je crois que ça a été plus ou moins dit aussi, mais c'est ça, en fait, c'est que là, même, par exemple, pour parler de Nuit Debout, chacun vient avec... chacun vient pour quelque chose, ça c'est sûr, en fait, enfin, j'imagine, on vient pas pour rien, donc j'imagine que chacun vient pour quelque chose, par contre, c'est sûr qu'on vient pas tous pour la même chose, donc oui, c'est pour moi, enfin, voilà, c'est une des choses qu'on doit absolument prendre en compte pour... Enfin, pour pouvoir dialoguer et surtout avancer dans le débat. Ouais. Voilà, c'est simple. Je reviens toujours sur le même point, le cheval de bataille, et là par rapport au décentrement, qui est mon cheval de bataille, c'est que effectivement on ne comprend pas les mots de la même manière, mais on ne ressent pas les choses de la même manière. Il y a qu'à la preuve, c'est de se dire qu'effectivement, il y en a qui aiment le chocolat et d'autres pas. Donc on les ressent intérieurement différemment. Ce qu'il y a de marrant, c'est que toujours en termes d'exercice, comme je traduis, ce décentrement, quand on veut essayer de... On parlait de mimétisme tout à l'heure, il y a un exercice qui consiste à essayer d'imiter la marche de l'autre. De regarder quelqu'un qui marche et d'imiter sa marche de l'autre. Et une des choses les plus importantes pour y arriver, c'est d'essayer de trouver son point de gravité. C'est d'essayer de voir plus ou moins son centre de gravité et donc de déplacer à l'intérieur de soi son centre de gravité pour sentir comment et pourquoi, d'une certaine manière, il se positionne. Et finalement, la marche, quand on imite l'autre, en déplaçant, donc son centre de gravité, on se met à la place de l'autre, quoi. Et on en arrive à effectivement se changer décentrement, se mettre à la place de l'autre, quoi. Voilà, changer. Donc je voudrais revenir sur l'idée de pas utiliser un langage compliqué ou etc. Il y aurait des gens d'en haut, les gens d'en bas. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on est là pour apprendre tous. Donc, mais en même temps, c'est dialectique, en fait. Si, je m'explique. Si, par exemple, je dis la démocratie représentative, c'est un oxymore. Donc, je dois me dire que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, oxymore. Alors, je dis la démocratie représentative, c'est un oxymore. Il y a une contradiction dans les termes. Et là, j'explique le mot oxymore. Mais c'est dialectique, c'est-à-dire que la personne qui parle doit savoir à qui elle s'adresse. Elle doit poser des questions sur les gens à qui elle s'adresse. Mais inversement, si la personne ne sait pas ce que ça veut dire oxymore, elle doit demander, elle doit dire « Ah, mais attendez là, qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit oxymore. Qu'est-ce que ça veut dire oxymore ?» Ben, oxymore, c'est quand on met deux termes qui sont contradictoires, qui ne vont pas ensemble, et voilà. Et la personne, elle apprend. Moi, je ne suis pas d'accord de dire qu'on ne doit pas utiliser des termes compliqués ou qu'on doit parler normalement. Ça veut dire quoi, parler normalement, quoi, d'abord, toi. Chacun a son langage. Et voilà, après, quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas, il doit demander, et la personne, quand elle s'adresse aux gens, elle doit aussi se poser des questions. Voilà, ce qu'il faut, c'est avoir le souci de l'autre, en fait. C'est avoir le souci de l'autre, c'est ça le respect, c'est le souci de l'autre. C'est se mettre à la place de l'autre, tu parlais de se mettre à la place de l'autre, c'est ça, c'est l'empathie. C'est... Quand on parle à des gens, il faut savoir, voilà, à qui on s'adresse, et se dire, voilà, des fois j'utilise des mots que la personne peut ne pas comprendre, ou et inversement, quand quelqu'un me parle, il faut que j'ai le... n'y a pas de ridicule. Je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est tout, on n'est pas là. On est là pour apprendre, c'est ça l'intérêt d'éducation populaire. Voilà, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Et je voulais rebondir aussi sur l'argumentation. Ah ouais, voilà. Un truc qui est important, et dans une AG, dans une assemblée générale, dans une discussion en collective ou dans une assemblée de groupe, comme ça, ce qu'on appelle l'assemblée générale, ou assemblée, appelez ça comme vous voulez, dans une assemblée, enfin, comme on est là, voilà. Ce qui est important, c'est d'être capable d'entendre des arguments contradictoires, des arguments qui nous dérangent, voilà. Et c'est ça la démocratie. La démocratie. Et pareil, je vais reprendre des exemples simples qui sont passés à Nuit Debout. On a eu les gens de Mariage pour tous qui sont venus. Voilà, on les dégage. On leur dit dégage, t'es un facho, ou un mec qui est d'extrême droite, ou même quelqu'un qui est raciste. Enfin, voilà, ou quelqu'un qui est homophobe, ou ce que vous voulez, quoi. Le problème, si tu lui dis dégage, facho, dégage, sale raciste, dégage, sale connard, si tu deviens tout de suite agressif et tout, bah t'avances pas. T'avances pas, toi, dans ton argumentation, mais lui non plus en face. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir discuter. Pourquoi tu dis ça? Et l'autre, il va dire, bah ouais, moi j'ai eu ceci, j'ai eu cela qui m'est arrivé. Mais il dit, mais alors tu vas lui dire, mais ouais, mais les gens, ils sont pas tous pareils, etc. Et là, t'avances, là, tu discutes. Je sais pas, par exemple, un mec qui a eu un jour un ennui avec, je sais pas, qui s'est fait taper par un arabe, par un truc à la con. Voilà. Et là, puis il va dire, ouais, tous les arabes, c'est des cons. Voilà, Ben non. C'est là que tu expliques que tous les Arabes ne sont pas pareils, etc. Et tu discutes avec lui, tu crois que les gens ils sont tous pareils. Enfin bon, voilà, c'est des exemples que je prends un peu bidon, un peu bateau. Mais voilà, je pense qu'au lieu de dire facho, dégage, sale raciste, dégage, ouais, sale homophobe, dégage, ou je ne sais quoi, c'est important de discuter avec les autres. Ça permet de voir d'abord, toi, si ton argumentation à l'avance, elle est bonne, et de l'améliorer. Et ça te permet aussi, en face, de discuter avec la personne, voir pourquoi elle est comme ça, etc. Ok, j'en termine, Bruno. Je vois que... Je suis un peu long pour toi. Est-ce qu'il reste des personnes qui souhaitent prendre la parole? Ouais. Et après, du coup, on passe à la suite. Merci. Alors, justement, pour reprendre et dire le contraire de ce qui vient d'être dit, justement. Et j'espère que vous allez faire comme il a dit. Si je dis... une observation qui est faite de quelqu'un que j'aime bien mais que je ne citerai pas. On est cerné par les cons. Qu'est-ce que vous avez compris avec ça? Est-ce que c'est vous les cons? Est-ce que c'est les gens sur la place? Est-ce que c'est les CRS, etc. Mais quand même, c'est un langage que moi j'utilise très souvent parce que je suis sûr d'être compris de certaines personnes. Et avec des mots très simples, en 10 secondes, je peux dire énormément de choses parce que derrière, il y a une personne qui a inventé un langage au deuxième, au troisième, au quinzième degré et qui permet de dire beaucoup de choses en peu de mots. Et surtout, c'est toujours les mêmes mots qui peuvent dire des choses complètement différentes. Et pour moi, c'est un entraînement, dans le sens d'avoir une souplesse de compréhension, de jamais croire que quand j'ai entendu quelqu'un, je vais forcément comprendre ce qu'il va dire. Je sais pas, j'attends, j'écoute je crois que ce serait important qu'on voit le comportement plus que les paroles. Est-ce que quelqu'un souhaite dire une dernière chose par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un de l'Orga souhaite faire une petite conclusion sur cette première partie? Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas à conclure, voilà. Donc, suite des événements. Alors, avant de passer à la deuxième partie, on va faire une petite interlude par... notre artiste. Et est-ce que je dis maintenant ce qu'on fait après ou est-ce qu'on dit après l'interview? Attends. Donc tu étais en train d'introduire l'artiste. C'est ça. Non. Juste en deux mots. Alors avec notre règle, je sais pas trop comment je vais le dire en fait. Mais c'est un plaisir. D'avoir l'artiste parmi nous. C'est parce que cet artiste, on va appeler ça comme ça, il est venu nous voir il y a quelques temps et il nous a dit je zonnais un peu dans Nuit Debout, je savais pas trop quoi faire. J'avais l'impression de servir à pas grand chose. Et en fait, moi je fais de l'éducation populaire et c'est con, vous faites de l'éducation populaire aussi et la connexion elle s'est jamais faite. Et je crois qu'il y a pas longtemps, cet artiste il a fait un super atelier il y a quelques temps et c'est, je suis super content si on a pu au moins faire venir un artiste dans une voie et dans quelque chose auquel il prend plaisir, puisqu'on a parlé de notion de plaisir, et ben voilà, c'est une petite victoire. T'as pas répondu à ma question ? Non, non, on va toujours garder ce suspense de fou furieux. Donc on va laisser l'artiste parler de ce qu'il va nous proposer. N'hésitez pas à vous approcher, hein. ça va être drôle. À mon avis, c'est un peu une pique aussi, mais c'est vrai que, puisqu'il parle d'artiste, je vais quand même reprendre un peu ce que je disais l'autre jour. Il y a des gens qui étaient là l'autre fois quand on a fait quelques exercices comme ça ensemble. Enfin, j'appelle ça des exercices, ce sont des expérimentations, quoi. Donc, on entend par artiste, hein, enfin, moi j'entends par artiste la fonction qu'il a dans la cité, hein, c'est-à-dire au milieu de vous. L'artiste il a une fonction, quoi, comme le boulanger fait du pain, quoi, et donc voilà, je viens partager un peu de pain. J'utilise tout ça pour. Est-ce que je fais une introduction ou je vais directement sur des exercices? Mais tiens, je vais commencer par un tout petit exercice que tout le monde peut faire, hein. Ça va être un peu compliqué puisque je tiens le micro. Tu peux me tenir le micro, quoi? Donc, je parlais de la manière dont on ressent les choses déjà entre nous, et qui est différente. Mais déjà, avant de pouvoir juger des différences de ressenti des uns et des autres, il faut essayer de savoir ce que ça veut dire que de ressentir des choses et de les écouter et de les explorer comme on explore une ville, un paysage. Alors, moi, je vous propose un truc très simple, déjà. C'est qu'on va se frapper dans les mains, ok, bien violemment, attendez, on va se frapper dans les mains bien violemment, et puis on va se mettre à l'écoute de ce qui se passe dans nos mains, les petits picotis, la chaleur que ça aura donné, des choses comme ça, et on va essayer de l'écouter et de sentir ce qui se passe dans nos mains, comme ça. Donc voilà, et vous avez compris ce que c'est, quoi. On essaye de faire un petit peu le vide autour et on va écouter un petit peu plus précisément ces sensations qu'on aura dans les... Hop! Quand on a tapé fort, ça dure longtemps. Hein. Comment c'est pointu, c'est rond. Il y a des fois des fourmis. Il y a des fois des choses qui restent chaudes. Voilà. Je vais refaire le premier, l'autre exercice qu'on avait fait l'autre fois, qui est un exercice d'écoute et de tentative d'être à faire quelque chose ensemble. Ça consiste simplement, vous voyez, on est tous là, tous les gens qui sont là, on va essayer de se compter. Et pour se compter, quand on va le sentir, on va dire, moi je vais dire par exemple 1, lui quand il va dire 2. Et le but du jeu, c'est de ne jamais parler en même temps. Et plus on va être apte à s'écouter et à se sentir ensemble, plus on va réussir à compter haut. Et ça, c'est difficile, quoi. Mais des fois, ça se fait spontanément, ça dépend. Alors, on y va. Vous avez compris, hein? On va peut-être arriver à 12, 13, 20, 25, peut-être 65. OK? Vous avez compris, tous? C'est clair? On y va. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 1. Faut faire les uns après les autres. Mais c'était bien sinon, sauf que c'est pour voir jusqu'où on va aller, c'est intéressant d'avoir les numéros. On recommence. 1. 5. Ah, pas mal, 7. Ça monte, hein, ça monte. Hein. Un peu plus fort parce qu'on ne s'entend pas très bien, mais oui. 1. 9. Ouais, ça monte. Ça monte, on est à 11, les mecs. On recommence. Allez. 1. 1. 1. 1. Vous avez compris, c'est vachement difficile de se sentir ensemble, d'être à l'écoute, et en même temps de dire ce qu'on a à dire, quoi. On passe à un autre petit exercice très simple, comme ça. Alors, je dois dire qu'ils m'ont demandé strictement de reprendre les exercices qu'ils avaient vus. Ils sont d'un repos pour l'artiste. Donc, on va se mettre debout. On va refaire l'exercice de l'autre fois. C'est-à-dire qu'on va occuper la place. C'est-à-dire que dans le périmètre qui est le nôtre, avec les objets qui sont au milieu, si on veut, si on veut pas l'aider, on se déplace, chacun à son rythme, et on essaye surtout, entre ces quatre arbres, en faisant attention à la position de l'autre, et en faisant attention à l'environnement, d'être partout uniformément. D'ailleurs, vous voyez, là, pour l'instant, on est relativement uniforme, voilà, qui est pas de trou, et qui est à peu près... allez-y. Où l'on voit que c'est difficile d'être attentif à l'espace, d'être attentif à l'autre, et puis de continuer à bouger, et en plus d'être apte à répondre à l'autre. On a perdu tout le monde, ils sont tous cassés, c'est pas grave. Hop ! Alors, on va continuer à faire juste des on sait compter, fourmis... Bon... Voilà. On va refaire de petits exercices qu'on avait fait l'autre jour et je vais l'augmenter. Hein, je crois qu'on en a déjà fait 3. Je peux continuer à en faire d'autres. Je pourrais proposer, puisqu'on n'est pas nombreux, justement un exercice de décentrement. On n'est pas nombreux. On va proposer un exercice de décentrement qui touche justement au fait que quand on se décentre, il y a un déséquilibre. Il y a deux exercices qui pourraient être... Mais on va en faire qu'un. Je vous raconterai l'autre. Là, il s'agit juste de se mettre... Dans le décentrement et dans le déséquilibre, il faut sentir aussi l'engagement. C'est-à-dire s'engager à changer de place, ça demande une pulsion intérieure. Mais pour s'engager, les Américains appellent ça the commitment, il y a quelque chose qui nous prend, quoi, qui nous oblige. Quoi. Et donc pour faire l'expérience de ce décentrement, il y a un exercice qui est assez simple, c'est on se laisse légèrement tomber et bien sûr il va y avoir une pulsion qui, avant qu'on se casse la gueule par terre, va nous faire démarrer, quoi. Alors, on va se mettre dans l'autre sens. Non, mettez-vous par ici, oui. Mettez-vous par ici. On va les faire les uns après les autres. Donc, c'est à partir du moment où on sera rentré en déséquilibre que tout d'un coup, on ne pourra pas tenir debout. Donc on va avoir une pulsion qui va nous embarquer et on va essayer de marcher et de continuer sur la place quelques pas à partir de cette pulsion. On va le faire les uns après les autres parce que sinon ça peut être dangereux, on peut se casser la gueule les uns sur les autres. Donc je le fais pour vous montrer, moi. Je crois que ça demande un petit peu ça, le décentrement, quoi, et que là-dedans, il y a effectivement une énergie. Il y a une autre chose aussi dans le décentrement, c'est pour lutter contre cette peur du décentrement, on se met en rond par petits groupes, on ne va pas le faire là parce qu'on ne s'est pas échauffé, qu'on ne fait pas. C'est ce qu'on appelle le colosse au pied d'argile. Hein, il y a un mec qui est au milieu, tout seul. Et dans son décentrement, il doit faire confiance aux gens qui sont autour de lui pour gentiment le remettre sur l'équilibre. Voilà. C'est assez significatif. On peut le faire par petits groupes. Vous voulez essayer de le faire? Allez, on va le faire par deux. On va faire deux groupes. Jeff a perdu son mouchoir. Il se passe des choses vraiment bizarres sur cette place aujourd'hui, vous trouvez pas? Si vous voulez, pour vous remettre de vos émotions, on a un gâteau maison. Merci l'artiste, donc, pour ces exercices. Merci beaucoup. Je remets encore un petit coup de chute sur l'artiste. Hein. C'est l'artiste éducation populaire. Oui, oui, oui. C'est mais c'est parce que... Avec les ouvriers, c'est ça. Celui qui a accompagné les revendications. Enfin, c'est celui qui était... cet artiste-là, c'est l'artiste qui était avec les ouvriers à faire du théâtre en 36, qui était au Front Populaire, qui a été dans toutes ces actions-là, qui faisait que, par exemple, au début, au lendemain de la guerre, le Théâtre National de Chaillot était aussi plein d'ouvriers, parce que c'était pas des gens qui étaient dans leur coin. C'était des gens qui étaient au milieu des autres pour faire ce qu'on fait ensemble, là, à l'instant, quoi. Ok. Tu avais bien compris aussi, c'est parce qu'on n'a pas le droit de dire les noms aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'il faut que je trouve qu'un... Fallait que je trouve un sobriquet, comme je peux pas dire ton nom. C'est pour ça. En fait, on va continuer. Après ces biseauteries. J'avais envie de dire biseauteries, mais en fait, j'ai pas le droit de le dire non plus parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Monsieur Jean-François Bizot. Ah oui, un grand monsieur, mais il faut pas le dire. La suite du programme. Du coup, ce qu'on va vous proposer, en fait, c'est à nouveau de travailler. C'est-à-dire qu'on va se mettre en groupe. Alors, je pense qu'on... Combien de groupes on peut faire, là, avec le nombre qu'on est ? Trois ? On va faire trois groupes. On va vous donner une feuille et un stylo. On aime bien faire donner des stylos et des feuilles à l'éducation populaire. Le but, c'est, en fait... S'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît, messieurs, dames. Donc on va vous demander de vous mettre en groupe de 5. On va vous donner une feuille et un stylo, vous pouvez choisir la couleur du stylo, c'est la grande classe. Et en fait, vous allez écrire un sketch, une mini-séance, une pièce de... Peut-être pas une pièce de théâtre, hein, on va peut-être pas s'enflammer. Un acte d'une pièce, c'est ça? Non, tu me regardes, je dis des bêtises. Voilà, et en fait, dans ce que vous allez écrire, il faudra que vous repreniez une des situations dont on a parlé au début. Donc éventuellement, on peut les répéter. Parce qu'il y en avait un certain nombre. Et en fait, le but, c'est que vous écriviez un petit scénario sur ces situations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce scénario, vous n'allez pas le jouer. Et c'est un autre groupe qui va lire ce que vous avez écrit. Vous avez tous compris ? Je répète. Donc, on va faire des groupes de 5, peu importe le groupe. On va vous donner une feuille et un stylo. Vous allez écrire un mini-scénario sur les thèmes qu'on a évoqués en début d'atelier, qu'on va vous redonner. Et en fait, ce mini-scénario, on va appeler ça comme ça, que vous allez écrire, ce n'est pas vous qui allez le jouer, mais en fait, c'est un autre groupe qui va le lire à votre place. Et après, le but, c'est de débattre, enfin, surtout d'échanger plutôt, sur les situations, sur ce qu'on fait, et puis voilà, tout simplement, sur ce qui a été écrit. Et puis voilà. Adèle et Adonf. Mais en fait, j'avais prévu les Posca pour ça, mais c'est pas grave. T'as pas dit, logiquement, en réunion, on avait dit que c'est celui-là qui fait son ressenti par rapport à la scène et celui-là qui a écrit la scène fait son ressenti par rapport à la scène. Tout à fait. Alors, le but, c'est qu'effectivement, après, bah, on échange un peu les points de vue entre ceux qui ont écrit et ceux qui ont lu. Et juste pour la précision, en fait, à l'éducation populaire, pour le coup, on va rester entre nous. C'est pas qu'on vous aime pas du tout. C'est qu'on n'a pas envie de vous influencer, en fait. Donc, pas d'influence. Donc, nous, on va faire notre groupe. On a embauché Ulysse avec nous. On s'est dit que ça serait très simple. j'ai dit un prénom, je suis désolé. Mais bref, voilà, on va faire notre petit groupe, nous. Si vous séchez, mais c'est très très simple. Hein. On vous demande pas d'écrire un épisode de Dallas ou je ne sais quoi. Enfin, d'une série américaine ou d'une série une série sur France 3 dont on n'aura pas le nom et qui est un peu catastrophique. Mais voilà, et puis on a des gâteaux aussi pour accompagner ça. Voilà, c'est cool. Tout le monde attend les gâteaux des Duke Pops, c'est un truc de ouf. On va faire un atelier cuisine, je pense, dans pas longtemps. On aura 3000 personnes sur la place, ça va être dingue. Voilà. En fait, oui, il faut redire les situations. J'arrive, pour ceux qui viennent d'arriver. Et surtout, faites des groupes de 5. Hein. Parce que là, je vois pas beaucoup de groupes. Ah si, je commence à voir des groupes. Tu veux que... Oula, putain, il y a tout à lire. Alors, je vais essayer de dire les titres. Ça sera plus simple. Donc, il y a la situation se sentir indispensable. D'accord. Il y a Ulysse. Oh merde, faut pas dire de nom, j'avais oublié. Ah d'accord, ok. Alors on aura besoin d'un volontaire pour se mettre avec les fous furieux des Duke Pop. Ok, on a trouvé un volontaire pour nous. Merci beaucoup. Je te demande pas ton prénom du coup, mais... Alors, donc, dans les thématiques, il y a se sentir indispensable, la reconnaissance. J'aurais besoin de votre attention. Après, vous pourrez être vachement dissipé, tout ça. Il y a pas de souci. Juste pendant 2 minutes, je vais redire juste les thèmes principaux. Mais t'es censé être l'ancien, le plus sage, et en fait t'es complètement dissipé. C'est dingue. Hein. C'est plus que c'était la sagesse. Hein, moi, Eh oh, eh Menjikai, comme dirait ma grand-mère. Allez. Alors, donc, dans les grandes thématiques, on va y arriver, il y a se sentir indispensable, la reconnaissance, l'agressivité, le désengagement, la franchise, la bienveillance. Si quelqu'un veut prendre la grosse thématique décentrement, si tu veux, pire, on a 3 feuilles, la peur, le changement de soi. Attendez, parce que les éléments sont contre moi. Il y a le positionnement, le préjugé, l'expérience personnelle, le recours à des arguments d'autorité, un tel l'a dit, donc c'est vrai, et la gentillesse. Donc vous avez une copie. Donc vous avez une copie, vous pouvez lire, voilà. Donc en fait, ce que je viens de faire ne sert à rien, mais... Alors, très important, il faut qu'il y ait 5 personnages dans votre scénario. Donc, il peut y avoir par exemple 4 personnes et une voix off. Mais il faut que 5 personnages dans le scénario que vous allez écrire. Et bah, s'ils sont 6, 6, c'est pas grave, on en rajoute une, on n'est pas embêtant. Oui, juste, du coup, en fait, je sais pas si tu l'as dit, mais que ça va être. Que c'est pas nous qui allons l'interpréter, du coup. Ok, d'accord, c'est tout. Non, bah c'est bon, c'est parti, on travaille les jeunes. Juste, il y a encore la place pour un groupe, hein, donc n'hésitez pas si vous voulez faire un autre groupe, il y a une feuille, même si c'est un groupe de 3, 4.